Mosaïque. Bonjour à toutes et tous. Meilleurs vœux pour l'année 2023 et bienvenue à l'émission Mosaïque sur Isanganiro. Aujourd'hui, c'est pour parler de la vie qui devient de plus en plus chère pour les Burundais. Il y a eu en effet, le début de l'année 2022, la hausse des prix des produits pétroliers, lesquels produits sont devenus de plus en plus rares, les prix des produits vivriers qui ne cessent de grimper. L'on citerait notamment le riz qui va jusqu'à 4000 ou 5000 francs burundais le kilo, voire plus. 3000 francs burundais le kilo pour le haricot, 2000 francs pour le maïs. Bref, la situation est la même pour presque tous les autres produits vivriers, mais aussi pour les matériaux de construction. Qu'en est-il la cause ou les causes? Quelles conséquences pour la vie des citoyens et pour le pays? Et comment procéder pour abaisser et stabiliser ces prix des produits, mais aussi pour l'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs? Avec nous sur le plateau, trois invités. Gabriel Rufsiri, vous êtes le président de l'OLUCOM, Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Et je profite de cette occasion pour souhaiter les meilleurs vœux de nouvelle année 2023 à tous les Burundais, à vous tous. Merci. Faustin Dikoumana, vous êtes le directeur national de l'ONG Parsem, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Et puis il y a vous, professeur Gilbert Niongabo, économiste, enseignant d'université. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Le duo Albert Ndouayo et Désiré Nkurunziza assure la mise en onde. Alain Désiré Bukeneza est à la réalisation. À la présentation, vous retrouvez Léonce Bitariho. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. D'abord, la première question à vous, Gabriel Rufsiri, président de l'OLUCOM. Un ménage burundais qui a besoin de manger deux fois ou trois fois le jour, de quelle somme, en termes d'argent, doit-il se munir sur le marché? Non, je pense que les chiffres sont simples. Il suffit seulement de voir ce qu'un Burundais peut avoir par jour. Il y a des institutions nationales comme Istebou. Le professeur vient de me dire qu'il vient de changer le nom, mais c'est connu. Istebou a changé de nom. Oui, il s'appelle Inesbou, Institut national de statistiques. Il y a la BRB, des fois même des institutions. Vous allez aussi parler Kirdes. De l'inspection générale de l'État. Non. Kirdes. Je pense que c'est un centre de recherche économique et sociale. Économique et sociale à l'Université du Burundi. Aussi, il y a d'autres institutions comme ADB, qui était avant API. Et le bureau stratégique des études qui est logé à la présidence de la République du Burundi. Mais aussi et les chiffres qu'elles fournissent, ces institutions. Ces institutions fournissent des chiffres, mais aussi il y a des institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale, PNUD et autres. Aujourd'hui, donc, un Burundi a moins d'un dollar par jour. Moins d'un dollar par jour. Donc, pour les chiffres officiels, c'est autour de 2000 francs par jour. Et 2000 francs, on peut seulement acheter deux Fanta. Moins de deux Fanta. Donc, tu ne peux pas manger. Ce n'est pas possible de manger. Donc, vous venez de le dire dans votre mot introductif, un kilo de riz qui va jusqu'à 4000, 5000 francs. 5000, ça dépend en fait. Donc, un ménage va s'acheter moins d'un demi-kilo. Moins d'un demi-kilo. Donc, ce n'est pas possible. Ce sont des choses faciles à comprendre qui ne sont pas du tout scientifiques. 2000 francs par personne au moment où un kilo de riz coûte entre 4000 et 5000. Donc, seront la qualité du riz. Vous comprenez que la vie est devenue intenable. C'est intenable. Intenable, justement, j'allais vous poser directement la question. Comment se porte la situation financière d'un consommateur burundais aujourd'hui? Mais sa poche est presque vide, c'est clair. Donc justement, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat aujourd'hui, il est à un niveau où on ne peut pas vraiment y croire. Je viens de vous redire, par rapport au PIB, la production, comment dirais-je, du ménage, c'est intenable. Donc je pense que les chiffres qui sont là prouvent en suffisance qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs par rapport d'abord à la population burundaise, par rapport aux terres cultivables. Donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui concourent à cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Merci. Un point de vue de votre part, Faustin Dikoumana, directeur national de Parsem. Parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Le pouvoir d'achat d'un consommateur burundais, pour vous, c'est comment? Bon, d'abord, ce n'est pas la première fois qu'on vient ici pour parler de la question d'inflation ici, situation, conditions de vie des ménages ici au Burundi. La situation devient de plus en plus intenable, comme vient de l'évoquer mon ami ici. Et d'abord, nous vivons une inflation qui frôle les 30% actuellement. Au mois de novembre, on est à 26,8 selon les données de la Banque centrale. Déjà, un taux d'inflation à deux chiffres, quand il arrive à 10%, c'est l'alerte déjà. C'est alarmant. Mais on est à presque 30% de taux d'inflation. Ah bon? Donc, ça veut dire que même à partir du mois de janvier, si on analyse aujourd'hui, le taux d'inflation est à presque triplé. En quel espace de temps? Dans une année, 10 mois, presque. Une année, 26%. Ça veut dire que le pouvoir d'achat est réduit et divisé par 3. Le pouvoir d'achat, parce que cette inflation, et si on prend un prix par exemple du riz qui était à 2 000, 1 500, et très récemment maintenant qui est à 4 000, 5 000 francs, vous comprenez la situation. Avec alors des chiffres au niveau des indicateurs économiques, au niveau du taux de pauvreté, 70% de la population burundaise vivait sous le seuil de pauvreté, ça veut dire avec moins d'un dollar par jour. Quand on vit avec moins d'un dollar par jour et l'inflation augmente, nous sommes dans une situation où l'inflation augmente, la demande n'augmente pas, les revenus n'augmentent pas, vous comprenez que la situation devient pratiquement invivable. Donc, vous parlez de 26% taux d'inflation. Oui. 2022. Oui. Et finalement, 2023, vous vous attendez à quoi? Et justement, si on ne prend pas des mesures correctives, des solutions idoines pour inverser la tendance, la situation, ça sera. Il y a des pays qui arrivent à une inflation de 100%, j'entends, au Venezuela ou ailleurs. Oui, on arrive à 100%, n'est-ce pas? On arrive à 100%. Mais je vous dis que pour une population burundaise vivant à l'informelle, où le taux de salarisation est faible, donc pouvoir indexer cette augmentation des prix à ces activités économiques pour quand même contrebalancer, il est difficile. C'est la spéculation peut-être qui n'aimait pour beaucoup de citoyens à revenus fixes, beaucoup de citoyens qui n'ont même pas de revenus, qui vivent de façon précaire. Déjà, Listebou, dans l'étude qu'il avait publiée très récemment, il montrait qu'environ 74% des Burundais, chaque jour, quand ils se lèvent, ils ne savent pas comment la journée va terminer au niveau de la capacité de pouvoir trouver quelque chose à manger. Donc, on se lève par chance, mais on se dit comment est-ce que je vais vivre aujourd'hui? Imaginez dans de telles conditions. Donc, on se lève sans savoir comment va se passer le jour. Le jour au niveau de la vie. Besoin alimentaire d'abord. Un mot à placer tant que vous avez le micro, Faustin. Par rapport à d'autres besoins vitaux de la population, puisqu'en effet, il n'y a pas que le seul besoin de se nourrir, mais aussi il faut se vêtir, éduquer ses enfants, se faire soigner, etc. Oui, le logement, il y a le besoin alimentaire, il y a le logement, il y a s'habiller, éducation, santé. Loisir, tout ça, ce sont des le loisir, dépenses. Oui. Mais déjà, vous savez que dans les pays, je dois dire que dans les pays en voie de développement, on était dans une situation où environ même 70% des budgets sont accaparés par l'achat des besoins alimentaires, normalement, dans les pays en voie de développement, dans les pays pauvres. Et oui, les budgets, normalement. Et maintenant, on est dans une situation où même le budget ne couvre pas les besoins alimentaires. Alors qu'il y a d'autres besoins. Il y a une crise économique alors qui doit s'inviter, qui tient à ce que d'autres produits pourront être sans demande parce qu'on n'est même pas parvenu à couvrir le besoin le plus élémentaire qui est de mettre quelque chose sous la dent. On a l'impression que ça fait peur. Oui. Professeur, votre analyse. Professeur Gilbert Niongabo, spécialiste des questions économiques, enseignant d'université, il semble que la situation fait peur. Qu'est-ce qui explique cette montée inhabituelle des prix des produits de première nécessité ce vivrier en particulier? Alors, je vous remercie de la question. Je pense que votre émission est venue parce que le bulletin, j'allais dire mensuel de la BRB est sorti cette semaine. celui qui a montré l'inflation de 26,8%, qui est normalement, quand on parle de l'inflation, c'est-à-dire il s'agit d'une hausse qu'on peut appeler généralisée, pondérée par la quantité. Alors, si on prend produit par produit, il y a des différences. Alors, je dois donner un exemple. Si, donc, l'inflation, principalement, elle est d'origine des produits alimentaires. C'est-à-dire, vous avez vous prenez toutes les céréales, dont le prix a presque doublé, pour différentes raisons. La pression qui est exercée notamment par les céréales d'origine ukrainienne, russo-ukrainienne, ça c'est la première chose. C'est-à-dire, le conflit qui date depuis le mois de 24 février, c'est un conflit international qui affecte certains produits alimentaires, notamment les céréales et les huiles. Alors on peut ajouter les produits énergétiques par la suite parce que c'est une combinaison avec surtout la pression sur le coût de transport. Ça c'est la première chose. Les produits vivaient au Burundi, surtout à cause de cette période de soudure, normalement septembre ça commence et puis après jusqu'au mois de décembre il y a cette hausse élèvement saisonnière. Et puis maintenant on ajoute les produits pétroliers. C'est une calamité depuis janvier. Ah oui. Parce que le Burundi, hein, c'est un pays quand même qui est en déficit de la balance des paiements. On a toujours besoin de devises pour importer les matières premières, les matières dont on a besoin, notamment le pétrole. Et puis deuxièmement, s'il y a un choc, quel que soit le choc, un choc interne pour la gestion de devises, un choc international parce que les prix montent facilement. Et là, on est obligé de voir cette pénurie. Donc vous savez qu'en fait, la pénurie, c'est quoi? Si on fait une pénurie, c'est qu'on hésite entre monde. Et là, vous allez dire que le choc nous frappe le Burundi des deux côtés, choc interne, choc international. Oui, absolument. Parce que l'international, on ne peut pas l'éviter. Vous avez vu, par exemple, les pays développés, ils ont fait des réunions. Ils sont partis surtout, ils ont visité tous les pays qui ont les matières premières. Si vous avez vu certains gouvernements, chefs de gouvernement des pays développés, ils sont partis pour voir les énergies alternatives. Parce qu'ils achètent le gaz, ils sont obligés de partir dans les pays arabes, ils sont partis, voilà, tout ça vous avez vu. Donc c'est un choc qui ne frappe pas seulement le Burundi, c'est un choc international. Mais le choc que nous avons, c'est que normalement nous avons deux déficits. Déficit de la balance des paiements. Donc on a besoin de devises et surtout les devises proviennent surtout des dons. Ça, peut-être vous pouvez y revenir. Le deuxième déficit, c'est le déficit qu'on peut appeler le déficit du budget de l'État. En général, ça, c'est des problèmes qui peuvent se gérer en interne. Ça ne cause pas de problème. Ça va se causer un problème au niveau de le remboursement. La pression va s'exercer au niveau de la taxe. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas si j'ai compliqué les choses, mais en réalité, cette inflation, j'allais dire, elle est, on va dire, amplifiée. Par on va dire les produits qui sont importés par la guerre ukrainienne. Il y a au moins 10% qui proviennent de cette partie-là. C'est-à-dire, en fait, si vous regardez, si le pain a été multiplié par 3, il a doublé. Il a plus que doublé. Les céréales, même chose. Donc, si vous prenez, et puis après, ça va affecter tous les produits vivriers. Et voilà. Donc, quelque part, la guerre en Ukraine frappe directement ou indirectement le Burundi. Oui, surtout les matières premières, les produits de base, les produits alimentaires. Et c'est là où on se rend compte qu'on est dépendant. Quand un problème international, il peut vous affecter d'une manière ou d'une autre. Même le problème qui se pose, c'est quoi? 2022, quand même, on oublie qu'on est à la sortie du problème du Covid. Donc, ah, c'est-à-dire, on avait, si vous regardez les projections, début de l'année 2022, on avait espéré une reprise économique mondiale. Ouais, parce que, voilà, parce que le Covid avait presque disparu. Donc, on avait après le Covid, parce que, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. Donc, on fait comme ça. on a surtout au Burundi. Oui, alors le Burundi, c'est particulier. Parce que le Burundi, ça fait partie des pays qu'on appelle les pays en voie de développement, pour ne pas dire sous-développés. Ce sont des pays qui ont un revenu inférieur à 1 000 dollars par habitant et par an. Nous, on n'a pas ça. Donc, pour adoucir, on parle... Pour adoucir, il y a certains, on va dire, il faut aller palier par palier. C'est-à-dire, si vous regardez tous les pays, on va dire, en voie de développement... Mais pourquoi on assiste à la hausse des prix? Les prix de ces produits, mais presque jamais en baisse, ces prix. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, vous-même, votre revenu augmente chaque année. Il y a toujours... Bon, le premier problème, c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle en théorie la rigidité des salaires. Vers la baisse. C'est ce qu'on appelle la rigidité des prix nominaux vers la baisse. Ça veut dire quoi? Même vous négociez avec votre employeur. S'il dit diminution, vous allez gréver. Vous avez grève de faim, grève de quoi, je ne sais pas. Alors, souvent, les employeurs, qu'est-ce qu'ils font? Même le gouvernement, il augmente votre salaire en termes nominaux. Et vous êtes content. Mais en réalité, à côté, ça va partir du côté de la taxe, de l'impôt, sur le revenu, TVA, tout ça. Et puis, vous êtes content d'avoir un salaire qui a augmenté, on va dire, en termes nominaux. Mais dans le pouvoir d'achat, il a diminué parce que les prix ont augmenté. Je vais adresser la question aux autres intervenants ici, Gabriel Loupsidi et Faustin Dikoumana de l'Olicom et Parsem. Essentiellement, les causes, c'est quoi? Les causes de cette situation où l'on assiste à des prix, des produits en hausse et presque jamais en baisse. D'abord vous, Gabriel Loupsidi. Je pense que la réponse est simple pour moi. Vous le savez, il y a son principe là de la loi de l'offre et de la demande. Quand les produits ne sont pas suffisant sur le marché, eh bien, la baisse ne peut pas être possible. C'est pas possible que la baisse soit là. Donc, je pense que c'est un principe connu. Si on n'a pas de produits, c'est très difficile. Prenons par exemple ce cas présent des produits pétroliers. Aujourd'hui, pourquoi donc les devises et les produits pétroliers? Aujourd'hui, je pense que le prix d'un litre à la pompe coûte autour de 3 250, 3 300, chose 3 250 et 3 450. Mais va au marché noir. Un litre et demi coûte autour de 10 entre 10 000 et 15 000. Donc, c'est le dollar. Le dollar est géré par l'État. Mais va voir le taux officiel, c'est 2100. Autour de la BRB. Mais au marché noir, aujourd'hui, c'est autour de 3600, 3700. Et cela est fait au vieux aussi de tout le monde. C'est même dans la plupart des cas ces autorités qui se trouvent dans ce genre de choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on assiste à cette situation parce que, justement, il y a carence de ces produits. Donc, je dirais qu'il faut... Est-ce que vous allez dire, Gabriel, vous avez dit que l'État ne sait pas ce qui s'opère au niveau du marché noir? Il le sait très bien. Face au dollar. Seulement, je pense qu'il... Il laisse. Non, je ne dirais pas qu'il laisse cette situation, mais je pense qu'il y a des gens qui sont en train de profiter ça de s'opère, cette situation. Ça s'opère probablement dans l'obscurité, en cachet. Pas vraiment dans l'obscurité, parce que un jour, excusez-moi vraiment, je vais citer le chef de l'État, parce que c'est public. Je me souviens quand on était à Bruxelles. À Bruxelles, il était en train d'animer une conférence. De presse. Une conférence. Avec la diaspora. La diaspora. J'étais là. Il nous parlait quand l'Union européenne a pris la mesure, la décision de lever les sanctions, que le dollar a baissé, je ne sais pas combien, qu'il a dit, mais il a cité le marché noir, il n'a pas cité le marché officiel. Donc, pour dire que même les autorités savaient bien cette situation. Mais je vous dis, il faut aller visionner, ça se trouve sur YouTube, de la RTNB. Il faut visionner ça, c'est public. Oui. Et moi, placé, Faustin Dikoumana de Parsem. Cette situation où on assiste à des prix en hausse, presque jamais en baisse. Les causes sont multiformes. D'abord, bon, quand on parle de la loi de l'offre et de la demande, c'est classique. Quand la production augmente, les prix baissent. Quand la production diminue, quand la demande augmente. Et ça, c'est tout à fait classique. Mais on se dit, y a-t-il une stratégie, au moins une stratégie bien ancrée pour augmenter la production ou la productivité du secteur agricole? Parce qu'on parle aujourd'hui finalement de l'augmentation des prix vivriers, des prix des produits vivriers. On vit une situation où même la production est faible, liée à aux facteurs comme l'atomisation des terres cultivables. Ces populations ont une pression sur la terre cultivable. Mais le pays est essentiellement agricole, n'est-ce pas? Essentiellement agricole. 20% de la population vit du secteur agricole. Il y a l'absence de semences sélectionnées. Il y a l'insuffisance de l'engrais, donc les fertilisants, les de l'engrais chimique. Il n'y a pas de recherche d'innovation dans le secteur. L'encadrement en milieu rural, vulgarisateur au niveau rural, n'existe plus. Finalement, on dit, on crie l'agriculture, mais aucun facteur n'est en train d'être vraiment valorisé pour permettre à une augmentation visible de la production. Qu'est-ce qui manque pour valoriser? Et sans oublier alors aussi le changement climatique, les facteurs de changement climatique. Le changement climatique arrive partout, mais les gouvernements, les pays diffèrent de leur capacité de résilience. Or, au Burundi, la capacité de résilience reste assez faible. Aussi, cette faiblesse, elle nous a préparé une spéculation, entretenue même par le service public. Comment? On a vu ce qu'ils ont... C'est-à-dire une spéculation, même le gouvernement s'intègre, donc s'invite, intervient tempestivement dans le commerce, il achète, il stocke, il crée des pénuries. Voyez ce qui s'est passé avec la nage. Ça, c'est une gestion finalement de cette situation. Comment est-ce que le gouvernement s'investit dans le commerce et comment est-ce qu'il crée des pénuries? Quand on en achète, on stocke. C'est déjà, on stocke pour revendre plus tard à un prix. Et les 20 fois, le gouvernement dit qu'il va vendre même au PAM. Il y a une production qui a été vendue au PAM. Quelqu'un m'a dit qu'il a vu une production du maïs. De Burundi au Sud-Soudan, vendu par le PAM du Sud-Soudan. Il y a une spéculation qui est sciemment entretenue par les hauts cadres de l'État pour pouvoir avoir du profit. Un autre élément très important, c'est cette faiblesse de la capacité institutionnelle à faire face aux problèmes, aux épidémies ici et là, comme c'était la grippe, l'épidémie là, qui a frappé donc les bovins et les vaches très récemment. On a passé la peste bovine. Et on a passé des mois, presque une année, sans consommer de la viande. Donc la situation était intenable. Le prix même de la viande a augmenté de façon vertigineuse. Cette rareté des devises, on l'a évoqué. Il y a une sorte de surtaxation aussi aujourd'hui. Donc le pays vit une surtaxation sur les produits de première nécessité. Il y a la politique fiscale aujourd'hui fait que le gouvernement fait toujours recours à la taxation indirecte. Vous voyez des taxes sur les téléphones mobiles, tout partout, partout les taxes, avec la tendance d'un budget qui va augmenter de 600 milliards. Il y a eu vraiment un poids réel de la taxation sur le commerce et les transactions, et que ce soit au niveau international et ce soit au niveau intérieur. Sans oublier aussi le financement, donc l'endettement du gouvernement, où il y a une pression sur le marché des capitaux intérieurs. Ça ne fait qu'augmenter aussi les taux d'intérêt au secteur bancaire. Il y a des éléments qui entrent en jeu. Il y a le transport. Le carburant entre dans le transport des biens, n'est-ce pas? Des biens services. D'état de nos routes. Il faut prendre des heures et des heures pour quitter, par exemple, Kirundo, Bujumbura, pour quitter Gitega, Bujumbura, pour quitter. Donc tout cela a une incidence sur la. Sur la finance des prix, parce que c'est le transport, c'est un coût qui est incorporé dans le calcul du coût de revient. Quand on veut appliquer un prix de vente rémunérateur qui doit vous donner quand même du bénéfice. Une autre question. Quelle aurait été la plus-value, Faustin, la plus-value de la mesure prise par le gouvernement le 6 septembre 2022 de laisser certains produits vivriers et le ciment, le ciment, entrer au Burundi en provenance des pays. La maison a été prise un peu tardivement, la pénurie avait été déjà créée, les prix étaient déjà à la hausse. Aussi, il y a la capacité d'importation immédiate pour que les produits soient disponibles sur le marché, n'a pas répondu immédiatement pour inverser la tendance. C'est ce qu'on a dit. Et encore plus, les mesures d'accompagnement comme la suppression de taxes pour permettre à ce que cette production rentre pour aller venir et renforcer le marché local au niveau des produits alimentaires, ça n'a pas été automatique. C'est pour cela que vraiment les conséquences positives ont été assez limitées de cette mesure. Et cette pénurie qui fait que la capacité reste faible, même si elle vient dans la période de récolte, avec une faiblesse de capacité de transformation, même de conservation, ça se remarque à une petite période et puis immédiatement, les prix s'envolent. Je vais adresser la même question à vous, professeur Gilbert Niongabo. La mesure est prise, on laisse les produits entrer en provenance des pays voisins, mais il y a toujours cette hausse ces prix qui sont toujours en hausse. Pourquoi ? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il faut savoir que les produits qui étaient concernés, ça concernait surtout les produits alimentaires, dont les céréales. Oui. Si vous avez constaté, ça veut dire qu'en fait, je pense que c'était le ministère du Commerce qui avait peut-être commis une erreur d'appréciation par rapport à la production. Parce qu'il y a certains moments, je pense que l'année passée ou bien la fin de la saison B2 de cette année, on avait pensé que peut-être la production des céréales était élevée, alors que peut-être c'était pas le... On va dire, comment est-ce qu'on va savoir si les produits sont disponibles? Ou bien si la production est élevée, c'est qu'on va le constater sur le marché, c'est tout. Il n'y a pas moyen, parce qu'on ne fait pas d'enquête ménage pour aller voir si chaque ménage a produit combien. Tout s'observe sur le marché. C'est-à-dire que vous allez constater que chaque fois qu'on a une bonne saison, les prix diminuent. Voilà. Donc si par exemple on a une bonne production pour saison A, c'est-à-dire qu'au mois de février, on va constater une diminution des prix des produits février que nous produisons. Par contre, ce qui s'est passé au mois de septembre, c'est que normalement, le septembre, vraiment, c'est une période de soudure. On commence déjà la saison A, et puis aussi avec une pluviométrie qui était faible. Et puis après, maintenant, ce que vous constatez, c'est que dans les marais, actuellement, la saison C, ça ne produit pas tout à fait les produits comme dans le temps. Donc, le ministère du Commerce a pris la décision d'ouvrir les marchés, pas les pays voisins. Ils ont importé le maïs, mais quand même, comme l'a dit Faustin, il y avait un retard. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le retard va s'exercer. Parce que si vous regardez la production vivrière, normalement, la saison qu'on avait eue, c'était la saison B, juillet. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment, le prix, on avait fixé à 680 francs pour le maïs. Mais si vous regardez sur la plupart des marchés, ils ont commencé à 700 à 800 francs. Et puis maintenant, après, avec peut-être les récoltes qu'on avait, on va dire, surestimées, les prix sont montés vite, hein, avec 1000 francs, 1200 francs sur certains marchés. Arrivé en septembre, c'était presque 2 mois plus tard, on a constaté que les prix commençaient à se multiplier par deux. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, au mois de septembre, il n'y a pas tout à fait une récolte imposante. Celle qu'on attend, c'est celle de février. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau des produits vivriers, des céréales, c'était ça. Ce que j'allais ajouter, c'est quoi ? C'est que normalement, si vous considérez dans le monde, les céréales, c'est un problème. C'est un problème. Pas un problème. Le pain, les céréales, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des zones de conflit de la guerre russo-ukrainienne. Donc, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de voir le Burundi, on a une pénurie de céréales. Non, ce n'est pas le Burundi, c'est le marché international. Et puis, si on s'approvisionne dans les pays voisins, même les pays voisins aussi s'approvisionnent sur le marché international. Donc, ce qui fait que nous, on fait double conséquence d'avoir peut-être mal jugé ces conséquences. Et puis, surtout, on a une petite économie. Il y a moins de production. On n'a pas de revenus, on n'est pas comme certains pays qui y vont avec. Vous avez vu l'Allemagne, ce que l'Allemagne fait. L'Allemagne peut changer. Est-ce qu'on va finalement considérer cela comme une fatalité ou il y a moyen de s'en sortir? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait, c'est que si vous regardez, bon, peut-être on n'en parlait pas beaucoup, mais si vous regardez les devises dont on a besoin, il faut constater que si vous regardez par rapport aux pays voisins, on est quand même, on n'en a pas beaucoup. Nous, on n'a pas beaucoup de devises. C'est-à-dire, et les devises vous servent à quoi? Les devises vous servent à importer. Donc, c'est-à-dire que d'ailleurs, on mesure vos réserves par rapport à la capacité à importer. Est-ce que vous avez 1 mois, 2 mois, 3 mois? Voilà. Normalement, le minimum, c'est 3 mois. Si vous allez en deçà de 3 mois, là, c'est-à-dire quoi? Vous êtes en train de dire, je donne les devises pour les produits pétroliers, je donne les devises pour les produits, les médicaux, les produits pharmaceutiques, les médicaments. Donc, vous êtes en train de dire produit par produit. Voilà, donc c'est pour cela que quand vous avez très peu de devises, vous n'avez vraiment pas beaucoup de moyens. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que les marchés vont apprécier ça. Ils vont dire, Ok, quelqu'un n'a pas de devise à la BRB, je les importe via le marché noir à 3500 francs. Non seulement le coût monte, mais aussi les prix que vous avez importés, ça augmente. Et ça, ça fait une grande pression. Bon, on ne sait pas comment ça va se limiter, mais normalement, on peut penser que peut-être l'inflation, ça va diminuer en début d'année avec la récolte de la saison 1. C'est ce qu'on peut espérer. S'il y a d'autres mécanismes d'intervention du pouvoir public. Espérons. Et moi, placé, Kabir Ousseri. D'abord, par rapport à cette mesure, moi, je dirais que il faut savoir d'abord le rôle de l'État. Quand vous regardez le pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels, par ailleurs, un pacte qui a été intégré dans la constitution burundaise, il y a quatre besoins fondamentaux qui doivent être garantis par l'État. C'est le droit de se nourrir, le droit de se loger, le droit de se vêtir et le droit de se faire soigner. Le gouvernement a une obligation, de garantir ces droits. Donc, prendre une mauvaise décision, une mauvaise appréciation, ça incombe à l'État. Il faut le savoir. Donc, prendre une mauvaise décision, mauvaise appréciation, qui prend cette mesure? Mais c'est l'État. Ce sont nos représentants, nos serviteurs. Et c'est eux qui prennent ces décisions. C'est la raison pour laquelle, pour nous, peut-être on n'a pas encore arrivé au niveau des solutions. Mais sur cette question... Mais comment la mesure est mauvaise? Est-ce que tu n'as pas vu les conséquences que ça a causé? D'abord, ils avaient refusé que certains produits viennent au Burundi. En provenance de l'étranger. Alors qu'il y a la balance commerciale n'était pas équilibrée par rapport à ces produits. Donc, c'est une mauvaise appréciation pour nous. Mais, quoi qu'il en soit, il faut savoir que l'État est toujours responsable de ces décisions. Donc, pour nous, avoir laissé ces produits rentrer au Burundi, c'est pas un privilège, je sais pas comment dirais-je. C'est un droit, il faut pas que... Un droit, pas une faveur. Oui, c'est un droit, pas une faveur. Donc, il faut que nos représentants mettent dans les têtes que nous, les citoyens, nous avons droit d'avoir accès à tous ces produits. Et l'État a cette obligation de le faire. Donc, mais finalement, qu'est-ce qui manque si l'État a cette obligation? Mais il faut, pourquoi ils ne sont pas là? Mais il faut poser cette question à eux. Oui, ils ont aussi une obligation d'être ici. Je pense ici que sur le plateau. Bien sûr. il y a quelques semaines, si ma mémoire est encore bonne, on était à Gitega. Donc, ils avaient un thème qui disait que jamais ça ne média. C'est moi-même qui ai posé même la question. Pourquoi souvent nous sommes dans des débats sur des questions de la vie nationale, et qu'on ne voit jamais les représentants du gouvernement? Ils ont dit, oh, ça c'est dans le passé. C'est ce qu'on m'a répondu. Et tous les médias étaient là. C'est dans le passé. Mais regardez, est-ce que vous les avez invités? Parce que nous, il y a des questions qu'on ne peut pas répondre. Parce que ce sont des questions qui concernent l'État. Donc, nous pensons que ce genre de questions, il doit y avoir... Espérons tout de même que les concernés sont en train de vous écouter. Mais nous écouter, oui, mais la population, les citoyens burundais ont besoin de réponses qui proviennent des autorités. Donc, je pense que c'est vraiment important. Il faut, est-ce que vous les invitez ou pas? Continuez surtout avec moi. À répondre à la question. Quand même, c'est important. C'est important parce qu'il n'y a pas de débat contradictoire. Dans ce genre de situation, sachez que quand même, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux parce que l'autorité, souvent, peut se mettre en tête que tout est en train de bien marcher, alors que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, pour moi, par rapport à cette question que vous venez de me poser, laisser vraiment ces produits rentrer sur le territoire burundais, c'est pas une faveur, comme je le disais, c'est un droit. Il faut que le gouvernement met en place toutes les stratégies possibles pour que ce que le citoyen a besoin puisse en avoir sans aucun problème. Je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la vie chère au Burundi, dans un contexte où les prix des produits, surtout vivriers, montent d'une manière inquiétante, avec un pouvoir d'achat des consommateurs qui ne suit pas nécessairement le rythme. Quelles en sont les causes, les conséquences, mais aussi et surtout des voies de solution? Sur le plateau, il y a trois invités, à savoir Gabriel Roussili, président de l'OLUCOM, Faustin Dikoumana, directeur national de Parsem, ainsi que professeur Gilbert Niongabo, expert économiste, enseignant d'université. Une question à vous, Faustin Dikoumana. Parlons un peu conséquences. Conséquences sur la vie des citoyens. Cette situation de montée des prix sur la vie des consommateurs et du pays en général. Je crois qu'on a évoqué au départ les conséquences directes de l'augmentation des prix, de cette inflation, et également au niveau de vie de la population. On a parlé déjà d'une situation de vie déjà précaire, où le taux de pauvreté était à déjà 70% de la population qui vivait en dessous du seuil de pauvreté. On a parlé de cette situation où les conditions de vie comme la malnutrition infantile, ou donc j'avais évoqué que selon une étude de l'ISTEBU, plus de 70% de la population se lève sans savoir comment la journée va se terminer, s'ils auront à manger ou pas. C'est déjà une situation de vie précaire, d'incertitude. Plus de 70% de la population ne savent pas comment va passer la journée. Donc si le prix augmente à un tel niveau, une inflation qui frôle 30%, alors que déjà à des chiffres, 10%, c'est déjà de l'alerte. Vous comprenez que la situation s'empire. Le pouvoir d'achat est réduit à presque de plus de 30%. Donc, je crois que la situation aujourd'hui, pour certains, c'est la résignation. Pour d'autres, c'est la spéculation. C'est la classe moyenne qui disparaît. Donc, progressivement, la conséquence, c'est la classe moyenne qui disparaît, c'est-à-dire tous ces fonctionnaires, tous ces gens qui pouvaient avoir une vie un peu aisée, pouvoir joindre le début du mois sans tension, sans stress. C'est une situation qui fait disparaître cette classe au profit d'une masse qui croupit dans la misère et une élite justement qui continue à s'enrichir de façon vertigineuse. Mais il y a professeur Gilbert Niongabo qui disait tantôt que, en tout cas, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité pour les citoyens. Pour les citoyens, bon, la capacité de résilience actuelle, je crois qu'elle est assez faible pour une économie où le PIB par habitant est en dessous de $300. Je ne crois pas que du jour au lendemain, le sursaut qui pourrait directement nous tirer de cette situation. Et peut-être, s'il y a un engagement fort, peut-être on va y arriver avec les solutions et on peut commencer à inverser la tendance. Mais la situation de vie actuelle, vraiment, je reste assez sceptique. Et là aussi, ça finit par jouer sur la psychologie des gens. Au niveau des maladies, aujourd'hui aussi, des cas de situation de désespoir. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées au stress, à la vie. Et ce sont des parts massifs des jeunes à l'extérieur, au désespoir, qui gagnent la population. Vous voyez, même si l'État dit qu'il est en train d'encourager les jeunes à produire, vous observez un départ massif des jeunes à l'extérieur pour faire l'aventure à l'extérieur. Donc, et on voit qu'au Burundi, petit à petit, et les gens commencent à ne plus avoir confiance au niveau de l'investissement, au niveau des conditions de vie, et commencent à partir ailleurs. Conséquence, professeur Gilbert Niongabo, Faustin Dikoumana de Parsem se montre sceptique face à cette situation. Bon, c'est vrai que les conséquences sont inévitables pour ce que l'on peut appeler les gens qui sont pauvres. Bon, alors, Burundi, si on va dire pauvre, on va situer les chiffres. C'est pour comme on n'a pas ce qu'on appelle le salaire, on va dire minimal interprofessionnel qui est garanti, ce qu'on appelle le SMIC, mais on peut l'estimer quand même par rapport à ce qu'on peut avoir, parce que les chiffres qui ont été avancés par l'Institut national de statistique du Burundi, l'INSBU, qui était l'ISTEBU, c'est à peu près 2000 francs par jour. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez, d'ailleurs, même si vous regardez la production nationale actuellement, bon, on va dire les chiffres 2022, on ne les connaît pas encore, on va se situer au chiffre de 2021, c'était quoi? C'est un chiffre de 7 000 milliards que vous divisez par 12 millions d'habitants. Ça vous donne plus. Ça vous donne presque 600 000 par an. C'est pas beaucoup. C'est impressionnant. C'est pas beaucoup. C'est 50 000. C'est 50 000 par mois pour tout le monde. Donc ça revient à 2 000 francs. D'ailleurs, si vous regardez la main-d'œuvre telle que vous la payez, en milieu rural, on paye 2 000 francs, presque 2 000 francs, 2 500 francs par jour. C'est comme ça pour les adultes. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, cette situation de précarité, ça va frapper les gens qui sont sur ce seuil-là. Il avait parlé de seuil de pauvreté à l'époque, où les stables avaient estimé à 64%, plus ou moins. Et puis après, avec les chocs, ça augmente. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas un chiffre en fait, constant. C'est-à-dire qu'il pouvait être, ne pas être pauvre en fin de saison, c'est pas l'année passée. Et puis tout d'un coup, avec les chocs sur la production, ça vous frappe. Et puis vous êtes, votre pouvoir d'achat est diminué. C'est-à-dire qu'en fait, votre revenu, votre production, votre revenu diminue. Vous avez moins de pouvoir d'achat. Alors, il a parlé de 26%. C'est peut-être, ça dépend. Ça dépend des produits. L'inflation, c'est une inflation générale. Mais si vous arrêtez, c'est un produit qui augmente de 50%. Si vous prenez certaines céréales, les produits vivriers actuellement, et normalement, c'est ce qu'on attend. On attend à ce que la baisse des produits vivriers qui sont produits par les Burundais, c'est à la fin de la saison A. Fin janvier, début février. C'est là qu'on peut voir que les prix peuvent baisser. Donc, sinon, il faut importer. C'est ça la solution. D'ailleurs, même là, ce qui est important, c'est quoi? C'est vraiment de pouvoir apprécier. Est-ce que la production sera suffisante à ce moment-là? Sinon, il faut continuer à importer. Donc, on peut placer jusqu'ici l'espoir à la fin de la saison A. Absolument. Normalement, même la saison A, ça ne va pas être suffisant. Alors, ça va concerner les produits vivriers. Il faudra aussi, normalement, si vous avez regardé les inflations des années passées des produits alimentaires, que ce soit 2012, il y avait aussi une partie 2016 vers 2017. Normalement, c'est vers la saison B. C'est-à-dire au mois de juin, on peut voir que les prix des produits vivriers. Alors, ça, c'est le premier aspect. Il faut distinguer aussi les produits comme les produits pétroliers. Et qui, normalement, si on regarde la tendance, ça fait une année qu'on a la pression des produits viviers, qu'on a la pénurie. Et ça, ça s'exerce où? Sur le coût du transport. Et le coût du transport frappe tous les produits. Il n'y a pas d'exception. Ça frappe tous les produits. Même vous. Même vous, pour venir ici, s'il n'y a pas de bus, bon, heureusement qu'il y a encore le mazout. Bon, ça fait quelques 2 ou 3 mois qu'il est plus ou moins là, mais l'essence, c'est toujours un problème. Bon, on va dire, on a toujours des messages d'annonce. On va les croire. Mais on va attendre la réalité. Et ça va frapper. Et puis, on peut aller même en amont. En amont, c'est quoi? C'est de regarder les devises. Est-ce qu'on va avoir en 2023 les devises nécessaires pour pouvoir répondre à nos besoins? Parce que normalement, en 2022, vraiment, on a galéré. Tant de questions. 2022, on a galéré. On espère que quand même 2023 sera mieux. Espérons que ça va être mieux. Gabriel Oussili, attendre la réponse, placer l'espoir à la fin de la saison A aujourd'hui, ça fait. Moi, je suis un peu sceptique par rapport à la réponse du professeur Gilbert. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des facteurs qu'il faut aussi considérer. Pour que la production nationale au Burundi puisse nous donner de l'espoir, il y a quand même certains facteurs qu'il faut considérer. Il y a d'abord les fertilisants. Est-ce que nous avons vraiment les fertilisants? Moi, je dis non. Vous entendez souvent des réunions qui se tiennent ici et là, avec des murmures, que donc les fertilisants ne sont pas en quantité suffisante. Donc, ça, c'est une question quand même très importante. Mais aussi, il y a un autre aspect important. C'est l'aspect des terres cultivables. Regardez, aujourd'hui au Burundi, une femme met au monde en moyenne plus de 5 enfants par ailleurs. En tout cas, les chiffres qui sortent, c'est plus de 5 enfants. Et en fait, au lieu que donc, la population burundaise est croissante. Et vous le savez, les bouches qui ont besoin de se nourrir augmentent, ça ne diminue pas. Mais les terres cultivables se rétrécissent. Donc, ce sont des chiffres Les bouches ont toujours besoin. Ça augmente, viennent de plus en plus nombreux. Donc, ce sont des questions qu'il faut vraiment étudier. Mais aussi, il y a une autre question. C'est la question qui est en rapport avec notre mode de cultiver. Est-ce que vraiment cultiver à roue aujourd'hui, on peut ça vraiment... Ça n'a plus de place. Non, du tout non. Moi, je dis non vraiment. Souvent, je vois les autorités qui se trouvent souvent au niveau des médias, surtout à la télévision nationale, nous dire qu'ils ont produit autant de tonnes de pommes de terre, de ceci et de cela. Il y a des questions quand même qu'on doit se poser. Ils ont cultivé sur combien de hectares? Ils ont cultivé avec... Quel moyen? Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut poser. Est-ce qu'aujourd'hui, un citoyen burundais, cultivateur, cultive sur combien de hectares? Donc, ce sont des questions... On parle d'un demi-hectare en moyenne. Un demi-hectare en moyenne. Mais sans les fertiliser, s'il vous plaît. Il n'y a pas de fumier, il n'y a pas de... Donc, il y a beaucoup de... Donc, pour moi, je pense pour que cette situation d'espoir que le professeur est en train de parler puisse être une réalité au Burundi, il faut changer notre mode de cultiver. Et tant que vous avez la parole des voies de solution, que faire pour rabaisser et stabiliser les prix des produits, mais aussi comment procéder pour améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs? Moi, je pense vraiment que c'est là qu'il faut vraiment qu'on puisse au moins prendre un moment. Oui. D'abord, vous avez le micro. Il faut une prise de conscience des autorités. Parce que quand je regarde comment nous sommes en train de gérer certaines questions, certes, il y a des causes. Prise des de conscience, mais le gouvernement est conscient en tout cas. Je pense qu'il y a des causes endogènes, certes, plutôt des causes exogènes, certes, mais il y a aussi des causes endogènes qui doivent être gérées par les autorités. Même les causes exogènes, les autorités peuvent les gérer parce que c'est l'erreur, il faut le savoir, c'est l'erreur de gérer, de faire face à tous les aléas qui se trouvent devant eux. C'est comme ça. Donc, la première chose à faire, il faut vraiment que les autorités burundaises prennent conscience de cette situation. Parce que le Burundi est le premier pays le plus pauvre au monde. Le premier pays. Et c'est la première fois que ça arrive. Il faut le savoir. Même pendant l'embargo, même pendant la pleine guerre, on était parmi les trois pays les plus pauvres au monde. Et jamais, on n'avait jamais arrivé à moins de $300. C'est la première fois. Maintenant, on est à 250 combien? Donc, le dernier classement mondial. Annuel. Le dernier classement du Burundi. Mondial. Donc, avant, on était à cheval avec la Somalie. Imaginez, aujourd'hui, le Burundi, avec le PIB par habitant et par an, on était à $300, aujourd'hui, on est à 250 combien? Et le Congo, RDC. Le Congo est à 800, la Centrafrique est à 500 dollars. Aujourd'hui. Mais c'est il y a une grande différence. Une très grande différence. Mais on peut l'inverser aussi, c'est possible. C'est possible de l'inverser. Mais il faut qu'on prenne conscience de cette situation. Quand on n'a pas encore pris conscience de cette situation, c'est vraiment problématique. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Le deuxième, une fois qu'il y a une prise de conscience, je pense que le gouvernement doit d'abord utiliser ces institutions. Nous avons ce qu'on appelle le Conseil économique et social. Moi, je posais la question ici, si ce conseil existe ou pas. C'est un conseil qui est là pour donner des orientations au gouvernement, pour qu'il puisse prendre de bonnes décisions. Il y a le bureau stratégique, d'études stratégiques, qui est aujourd'hui à la présidence de la République du Burundi. Il y a l'ADB. Agence de développement du Burundi. Il y a vraiment plusieurs institutions qui sont là pour donner une orientation à l'État. Mais aussi, le gouvernement même peut faire recours aux experts internationaux. Donc, moi, je pense qu'il y a des moyens qui sont là, mais le gouvernement, je ne sais pas s'il les utilise ou pas. Donc, en deuxième lieu, je pense qu'il faut utiliser ces institutions, mais en troisième lieu, il faut mettre en place un comité d'experts multidisciplinaires qui va donner des solutions, qui va proposer des solutions au gouvernement. Parce que la situation quand même n'est pas... Je viens de vous parler des chiffres. Faustin disait 70% de Burundais qui ne savent pas comment va se passer la journée. Qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Je pense qu'il faut regarder bien dans le rapport de la Banque mondiale. Moi, je crois avoir lu quelque part que c'est au-delà de 73% des Burundais qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Et je pense que ça augmente. Donc, pour moi, ce comité d'experts pourrait aider. Il y a aussi la détaxation des produits importés. Il faut vraiment que le gouvernement détaxe, mais adopter des mesures d'accompagnement parce que souvent ça profite aux autres. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est voter un budget d'austérité. C'est-à-dire quoi? Nous voyons que le budget qui est voté, par ailleurs souvent, il y a beaucoup de dettes. Donc ce budget devrait être orienté vers les secteurs porteurs de croissance. Pas seulement dans l'agriculture comme nous sommes en train de le faire actuellement, mais des secteurs qui pourraient pousser le pays à se développer économiquement. Vous parlez de projets d'investissement? Non, oui, des projets d'investissement, mais dans des secteurs porteurs de croissance. Merci. Je vais adresser la question à vous, Faustin Dikoumana, de Parsem. Paroles et actions pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, des voies de solutions, des perspectives pour changer la donne. Et pour moi, d'abord, il faut du réalisme, il faut du pragmatisme. Il faut d'abord arrêter des statistiques fiables. Il faut rayer, il faut savoir, nous, les Burundais ont besoin de quelle quantité au niveau de la demande. Par catégorie de denrées alimentaires, quelle est la production réelle. Il ne faut pas rêver. Et j'entendais ces derniers temps, un ministre de l'Agriculture disait, nous avons une surproduction, nous pouvons exporter, nous pouvons faire ceci et cela. Ça montre qu'on rêve, on n'est même pas sûr. Et nous n'avons même pas les pieds sur terre sur la situation réelle du pays. Et il faut une capacité institutionnelle de suivre, de scruter cette production, comment elle évolue et de prendre des mesures proactive à temps pour pouvoir importer. Malheureusement, on dit qu'il faut importer, mais nous faisons face à un problème de devises. Quand on dit toute solution, même il faut importer avec des réserves de change. Maintenant qu'ils ne sont plus à trois mois, qui sont parfois inférieurs à un mois, la situation est délicate. Et encore une fois, ces devises sont très mal gérées. Il y a spéculation, il y a quoi? Il faut aussi une gestion mais transparente de ces devises, quelques petites soient-elles, il faut une gestion transparente. Des banques commerciales, il ne faut pas que l'État monopolise la gestion des devises avec une politisation de sa gestion, de gestion. Donc au niveau des devises, la capacité de gestion aussi, et peut-être ça serait une autre émission si on devait parler comment... Et faire rentrer les devises, ni quand les devises suffisantes au bout du monde. Mais globalement, on attaque les devises aussi, c'est resté un défi. Il faut aussi une politique fiscale fiable qui augmente, qui fait élargir l'assiette fiscale, une politique fiscale qui, où il n'y a pas toujours tendance à surtaxer, sans capacité réelle même de subventionner quelquefois si c'est nécessaire. Ça joue sur le coût et la situation économique. Mais on veut une relance économique. On a parlé des facteurs au niveau de l'agriculture, entrants, fertilisants. Mais nous avons un problème d'infrastructure. Infrastructure pour permettre la relance économique. Vous voyez, le transport, c'est l'élément fondamental quand on veut réduire les coûts. Le transport, quand une marchandise passe des heures et des heures d'un endroit à un autre, le coût sera élevé si le temps est élevé. Par exemple, quitter Kirundo, je pense qu'on doit passer 5 heures, au lieu de passer 1 heure. Si on veut améliorer les conditions de vie de la population, vous voyez, dans tous les pays, développer en révolution des transports. Pourquoi c'est très... Et si on empruntait pour que quelques cas la voie la cuisse. Les métros, les quoi. Donc, le transport, c'est quelque chose de très important. Mais malheureusement, là aussi, avoir les besoins d'infrastructures du Burundi, selon les estimations de la Banque africaine de développement, c'était déjà 6 milliards de dollars. Et en 2010, aujourd'hui, ça peut avoir augmenté. Et le gouvernement devait aussi pour renflouer, plutôt pour essayer d'améliorer les revenus et améliorer l'IRAR. Si ces infrastructures étaient construites, ça pourrait permettre à généraliser aussi ce qu'on appelle les travaux HIMO, améliorer l'IRAR pour qu'au moins les gens puissent avoir leurs revenus. Et ces gens qui n'ont pas de formation suffisante, il faut qu'ils aient un revenu à partir d'une campagne. Nous tendons vers la fin de l'émission. Je vais adresser la parole. Dernièrement, je vais parler de la bonne gouvernance en général pour quand même crédibiliser les investisseurs étrangers pour venir investir dans notre pays. Même d'autres pays sont passés par là. Dans des situations, dans pas des situations où la corruption sévit. Professeur Gilbert Niongabo, un mot de vous. Il faut changer la donne. La situation, en tout cas. Il y a deux solutions. La première solution, c'est la solution qui concerne l'équilibre des produits alimentaires. Ça va se jouer sur l'estimation de la récolte de la saison A, et puis préparation de la saison B. ça va également porter sur les importations des produits dont on a besoin, produits alimentaires et donc l'équilibre en termes de devises. Le gouvernement n'a pas beaucoup de choix. Et la Banque centrale a une pression sur les devises et devant absolument tous les pays le font. C'est-à-dire que pendant une période où vous n'avez pas de devises, il faut vraiment aller emprunter auprès du FMI qui vous donne les facilités de prêt à moyen terme, à court terme. Donc ça c'est la solution envisageable pour 2023, pour que si jamais on a toujours une pression sur les devises, que ce soit les produits pétroliers pour l'importation, les produits alimentaires, ce sera aussi prévisible qu'on doit absolument importer parce qu'il se pourra que la production qu'on attend en saison ne soit pas suffisante. Il faut la prévenir, il faut la prévoir, il faut vraiment aller contacter les pays voisins qui ont peut-être une capacité de production assez élevée, que ce soit la Tanzanie ou la Zambie, les pays voisins, si c'est possible. C'est ça la solution. Normalement, vraiment, il faut faire les deux solutions. C'est-à-dire qu'en fait, il concerne les produits vivriers qui sont plus concernés parce que dans un mois, on a une pression. Donc, c'est-à-dire, c'est aussi notre observation. Pendant un mois, il faudra vraiment absolument que les gens vivent, éviter vraiment que les prix continuent d'augmenter même en fin de saison, mais aussi préparer aussi les devises pour que vous puissiez importer puis abonter le choc qui concerne les produits énergétiques. Merci. Mais de toutes les façons, la situation n'est pas fatale pour les... Non, c'est pas fatal. Il y a toujours ce qu'on appelle l'inflation saisonnière. À la fin de saison, il y a toujours cette inflation, la hausse des prix, et concerne les produits vivriers surtout, en fin de saison. Mais ce qu'on doit savoir, c'est qu'on a aussi cette importation, c'est une inflation qui concerne les produits importés. Et ça fait deux phénomènes. Donc, en général, c'est la première fois que ça s'amplifie sur une année. Parce qu'on a subi vraiment l'inflation. Si vous regardez, en fait, cette inflation qui est constatée à la fin du mois de novembre avec 26,8%, c'est quelque chose qui a commencé presque au mois de janvier, février. Oui. Donc, c'est voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a moyen. Et comme l'a dit, je pense que notre ami Faustier, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. On ne peut pas vraiment... Il faudra trouver des canaux pour que vraiment amortir ces chocs parce qu'on ne peut pas continuer à avoir une inflation de 30%. Merci. C'est énorme. Professeur Gilbert Niongabo, économiste, enseignant d'université, merci d'être venu. Merci de votre contribution à l'émission. Merci de votre invitation. Je souhaite aussi les vœux de lever là à tout le monde. Merci. Merci à vous, Gabriel Rufsidi. Vous êtes le président de l'OLUCOM, Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre contribution. Je vous remercie, moi aussi. Et je profite de cette occasion pour, encore une fois, souhaiter les meilleurs vœux de nouvel an à tous les Burundais. Et j'espère aussi que l'année 2023 sera une année meilleure. Merci et merci à vous, Faustin Ndikumana, directeur national de PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Merci de votre participation et contribution à cette émission Mosaïque. Mais justement, il faut un changement de comportement et de mentalité pour que cette situation change. Merci. Un effort. Merci. Et c'est donc par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Nous étions en train de parler de la cherté de la vie des citoyens avec une situation de montée inhabituelle des prix des produits, surtout vivriers, en séjour dans le pays. Merci alors de nous avoir suivis. Merci également à Alain Désiré Wukeyeneza pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léonce Vitalio. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. Mosaïque.